un grand paysan de 25 ans, attendait devant la porte. Il la salua d'un ton amical, comme s'il la connaissait de longtemps. « Bonjour, madame Jeanne, ça va bien ? La mère m'a dit de venir pour le déménagement. Je voudrais bien savoir ce que vous en porterez, vu que je ferai ça de temps en temps, pour ne pas nuire aux travaux de la terre. » C'était le fils de sa bonne, le fils de Julien, le frère de Paul. Il lui sembla que son cœur s'arrêtait. Et pourtant, elle aurait voulu embrasser ce garçon. Elle le regardait, cherchant s'il ressemblait à son mari, s'il ressemblait à son fils. Il était rouge, vigoureux, avec les cheveux blonds et les yeux bleus de sa mère. Et pourtant, il ressemblait à Julien. En quoi? Par quoi? Elle ne le savait pas trop, mais il avait quelque chose de lui, dans l'ensemble de la physionomie. Le gars reprit. « Si vous pouviez me montrer ça tout de suite, ça m'obligerait. » Mais elle ne savait pas encore ce qu'elle se déciderait à enlever, sa nouvelle maison étant fort petite, et elle le pria de revenir au bout de la semaine.